C'est une découverte majeure qui vient d'être annoncée ce lundi 17 mars au Harvard Smithsonian Center for Astrophysics à Cambridge, Massachusetts. Il s'agit de la mise en évidence observationnelle de l'inflation. Et cette prouesse a pu être effectuée grâce à la détection indirecte d'ondes gravitationnelles primordiales, ce qui constitue une autre découverte exceptionnelle. L'inflation est une époque de l'univers imaginée théoriquement aux environs de 1980, indépendamment par le russe Andrei Linde et l'américain Alan Guth. Cette très brève période dans l'histoire de l'univers, dominée par la gravitation quantique, a commencé 10 puissance -35 secondes après le temps zéro. Au cours de l'inflation, l'univers a subi une expansion brutale et inimaginablement énorme, d'un facteur au moins de 10 puissance 26. L'inflation permet d'expliquer les observations à grande échelle de l'univers. Pourquoi il apparaît si isotrope, comme si deux points extrêmement éloignés avaient pu être en contact causal dans des temps très reculés? Pourquoi la géométrie de l'espace-temps semble plate, ce qui n'a rien d'évident a priori? Et pourquoi la répartition des fluctuations du fond diffus cosmologique sont-elles qu'elles sont, avec une plus forte quantité aux petites échelles, la présence d'un pic caractéristique dans le spectre de puissance? Bien que ces éléments observationnels tendent tous à confirmer la réalité de l'inflation, il restait toujours la possibilité d'autres modèles d'évolution produisant les mêmes phénomènes sans avoir recours à l'inflation. Mais l'une des prédictions des théoriciens de l'inflation est qu'elle doit produire un rayonnement d'ondes gravitationnelles à cause des fluctuations quantiques de l'univers primordial. Les ondes gravitationnelles sont, comme leur nom l'indique, des ondes, mais des ondes un peu particulières. On peut se les figurer comme étant une sorte de vibration de l'espace-temps. Les ondes gravitationnelles furent proposées par Albert Einstein lui-même et sont la dernière prédiction de la relativité générale non encore confirmée expérimentalement. Le rayonnement d'ondes gravitationnelles dites primordiales est une signature sans équivoque de l'existence d'une ère inflationnaire. La détection des ondes gravitationnelles, notamment celles que doivent produire des couples de trous noirs ou d'étoiles à neutrons, est un champ de recherche très actif. Nous en avons déjà parlé ici, on peut citer notamment les grands détecteurs interférométriques Virgo et LIGO notamment. Mais concernant les ondes gravitationnelles primordiales, celles qui sont produites au cours de l'ère inflationnaire, le moyen pour parvenir à les détecter est très différent, puisqu'il est indirect. Il faut pour cela observer en très grand détail le rayonnement de fond micro-ondes, ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, ou CMB, Cosmic Microwave Background. Les ondes gravitationnelles primordiales de l'inflation vont se trouver former une sorte de fond de rayonnement gravitationnel, ou CGB, pour Cosmic Gravitational Background. Et ce fond d'ondes gravitationnelles va influer sur le rayonnement du CMB en modifiant sa polarisation. La signature des ondes gravitationnelles primordiales sur le rayonnement du CMB a la particularité d'être unique. Elle produit une polarisation particulière qu'on appelle une polarisation de mode B. Détecter sans équivoque la présence d'une polarisation de mode B dans le rayonnement du fond diffus cosmologique induit de facto l'existence du fond d'onde gravitationnelle primordiale, qui, à son tour, confirme l'existence d'une ère d'inflation dans l'univers primordial. Les physiciens américains qui ont fait cette annonce cet après-midi exploitent un télescope dédié à l'observation du fond diffus micro-ondes qui est situé en Antarctique, à la base Amundsen-Scott. Leur système de détection, appelé BICEP-2 Keck Array, pour Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization, est composé de plusieurs dizaines de petits récepteurs refroidis à des températures cryogéniques, ce qu'on appelle des bolomètres. Il permet de mesurer le rayonnement du CMB avec une très bonne précision, même s'il ne cartographie pas tout le ciel comme le fait le satellite Planck. En revanche, BICEP permet d'obtenir la valeur de polarisation de mode B avec une bien meilleure précision que ce que peut obtenir Planck, dont les physiciens sont également en train d'analyser le signal pour la mesure de la polarisation de mode B, et doivent publier leurs résultats dans les semaines qui viennent. Il existe tout de même une seconde source de polarisation du rayonnement du CMB en mode B. C'est le phénomène de l'antigravitationnel qui est produit par des galaxies massives, nombreuses dans le champ de vue observé. Mais les physiciens américains de la collaboration BICEP parviennent à nettoyer le signal de polarisation très efficacement et obtiennent des résultats fantastiques en isolant la polarisation de mode B primordial. Cette avancée exceptionnelle fournira pourquoi pas des idées au comité Nobel concerné, soit pour ces expérimentateurs de l'extrême des années 2010, ou soit pour les théoriciens de l'extrême des années 80. Ou pourquoi pas les deux, tiens, un pour l'inflation et un second pour les ondes gravitationnelles primordiales. Soyons fous! Le visage de l'univers vient de changer. Vous pouvez retrouver l'article accompagnant la présentation de BICEP 2, l'article en préprint, dont le lien est en bas de ce poste.